sont considérés comme des véhicules lents, les véhicules qui ne peuvent rouler à plus de 60 km/h dans de fortes montées, par exemple. Une voie supplémentaire est alors créée, de manière à ne pas perturber le trafic ni la sécurité des autres usagers. Ce panneau informe qu'à 150 mètres, les véhicules lents devront se rabattre dans la voie de droite. Pour les autres usagers circulant à allure normale, ils doivent rester dans cette voie, la voie de gauche étant réservée au dépassement. Dans cette situation, je n'ai aucune raison valable de serrer à gauche. Réponse B.